Et en fait, ce qui apparaît en filigrane, c'est aussi l'image des femmes, particulièrement dans la culture des super-héros. C'est-à-dire que je faisais le compte en préparant cette émission de femmes extrêmement fortes qui n'arrivent pas à gérer leur pouvoir, qu'il faut réprimer. C'est-à-dire, dans le monde Marvel, la sorcière rouge, que ce soit en comics ou en film, a trop de pouvoir et tout d'un coup, elle pète un câble. Jean Grey, qui devient Dark Phoenix et qui détruit une galaxie. Captain Marvel aussi. Et même Wonder Woman, qui a besoin d'avoir ses bracelets pour contenir ses pouvoirs. Il y a quand même une sorte, au bout d'un moment, de... Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup dans... Ça s'appelle le backlash, en fait. C'est-à-dire quand on accorde un peu de liberté et que finalement, en retour, on se prend un retour de bâton. Et au cinéma, c'est frappant. C'est vraiment... Même Black Widow, par exemple. Alors, on verra le film, ce que ça va donner. Mais Black Widow, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus domestique, on va dire. Hein. Elle s'intéresse... Elle va calmer le Hulk en lui frottant la main, etc. Enfin, mais il y a quand un côté maternel, alors que c'est pas du tout ce qu'on imagine à première vue chez Black Widow. Et c'est pas ce que le premier film nous dit non plus, sa première apparition. Et effectivement, il y a ce côté-là. Alors après, Wonder Woman, quand même, par rapport au féminisme, je la défendrai, même si elle est parfaite physiquement. Effectivement, c'est assez difficile de se dire je veux être Wonder Woman, et même Linda Carter, qui a quand même une taille incroyable. C'était quand même une Miss Monde. C'était, voilà, donc voilà, ça va être difficile. Mais par contre, elle s'acharne à chaque épisode à essayer de, à chaque fois qu'on l'a dans la série, à dire aux femmes, oui, mais toi, c'est pas grave si t'es âgée, mais en fait, c'est pas grave, toutes les femmes sont importantes et tout ça. Donc, dans le discours, en tout cas, elle a vraiment quelque chose de très universel. Qui permet de se raccrocher quand même à elle. Ah bah ça me permet de rebondir sur notamment une histoire dont on n'a pas parlé, dessinée par Alex Ross et scénarisée par Paul Dini, dans lequel justement elle a ce discours vis-à-vis des femmes qu'elle rencontre en disant mais vous savez j'ai beau être une déesse de mythologie, vous pouvez aussi faire une différence. Et en fait elle se conforte à différentes cultures qui lui disent mais non, vous avez vu comment vous êtes habillée, vous avez vu ce que vous faites là, vous soulevez un tank ou tout ça, moi je suis pas du tout comme vous n'êtes pas comme moi. Donc c'est une histoire très intéressante pour voir le contraste entre elle qui a vraiment le cœur au bon endroit, c'est-à-dire qu'elle est sincère, mais en même temps elle est quand même supérieure. D'ailleurs son premier nom, le nom que William Moulton Marston voulait donner à Wonder Woman, c'était Suprema The Wonder Woman, et c'est Max Gaines qui a dit non, enlève Suprema, garde Wonder Woman. Il y avait bien cette idée de perfection, du beurre woman qui était juxtaposé à Wonder Woman. Et d'ailleurs ça me permet d'évoquer Promethea d'Alan Moore et Jérémy Ménès, dont vous venez d'assurer la traduction. Et en fait c'est Alan Moore est allé au bout de cette image comme ça de la créature mythologique parfaite. Il reprend plein de thèmes non seulement du personnage de Wonder Woman, mais même de la façon dont il a été traité, parce que dans Promethea, on a plusieurs Promethea, en fait, qui sont les différentes incarnations du personnage à travers les âges. Et parmi elles, par exemple, on a Grace Branagh, qui est dans un monde imaginaire où elle se bat contre les auteurs qui l'ont écrite de façon complètement machiste et masculiniste, quoi. Et donc on a contexte sur toute l'histoire de Wonder Woman. Alors on n'est pas obligé de l'appliquer complètement à Wonder Woman, mais aussi à toutes les héroïnes. Mais du fait qu'elles ont cette espèce d'univers imaginaire, l'immateria, où elles se retrouvent toutes les anciennes Promethea, on a un peu un équivalent de Themyscira, puisque là, elles sont entre elles et elles s'épaulent et il n'y a aucune rivalité, quoi. Et c'est vrai que cette dimension de sororité, dès le début dans Wonder Woman, ça a toujours été très fort, de par le fait qu'elles ont grandi sur une île où il n'y avait que des femmes. Mais il y a vraiment cette idée aussi de créer une sorte de lien entre les femmes sans opposition. Océane. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une utopie à ce niveau-là, quand on sait à quel point aujourd'hui les combats féministes parfois s'entrechoquent un petit peu sans forcément être d'accord sur tout. Et c'est vrai que c'est un peu un havre de paix. Enfin, moi, si on me donne un ticket pour aller vivre à Themyscira, j'y vais le jour 1 et je ne reviens jamais. Mais d'ailleurs, même quand dans la vraie vie, Wonder Woman a été nommée ambassadrice à l'ONU, c'est quelque chose qui est arrivé quand même. Et ben ça a fait râler en fait, parce que justement elle symbolisait aussi une perfection physique, etc., qui ne devrait pas être. Et puis les gens disaient, mais pourquoi vous n'avez pas trouvé des vraies femmes pour être ambassadrice, quoi. Je pense que c'est surtout ça, c'est que effectivement c'est rageant quand même pour toutes les femmes qui se battent dans la vraie vie d'être remplacées entre guillemets, d'être doublées par un personnage de fiction quand même. Mais c'était pas la première fois qu'il y avait un personnage de fiction qui avait une mission telle quelle à l'ONU, et puis ça reste une dimension ultra symbolique qui est censée représenter toutes les femmes, de la même façon que je me sens absolument pas représenté physiquement par Superman ou Batman parce que j'ai pas ses pecs et j'ai pas sa gueule, tu vois. Donc je pense qu'il faut s'accorder le fait que voilà, les personnages de DC sont mythologiques, vraiment iconiques. C'est pas des personnages auxquels on s'identifie. De toute façon, je suis pas un milliardaire qui a perdu ses parents ou un exilé d'une autre planète. Donc évidemment, y a pas zéro femme née une Amazon qui. Mais enfin, c'est pas grave. C'est pas ce que ça représente. Sur Wonder Woman, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que même si elle est, c'est une déesse, elle travaille beaucoup et justement, elle s'entraîne. Et il y a beaucoup de scènes. On voit quand même beaucoup de moments où elle s'entraîne, elle à manier l'arc, à se battre et tout ça. Et du coup, il y a aussi cette idée, on est femme et on le devient, pour reprendre Simone de Beauvoir, en se battant et en travaillant, et on peut se construire soi-même, quoi. On a une base divine, on doit quand même se construire. Donc c'est ça aussi qu'elle nous dit, finalement. Et là où on peut se raccrocher, nous, simples humains. Et justement, sur cette dimension de l'entraînement et du rapport au corps, il y a quelque chose que je trouve assez frappant dans les adaptations de super-héroïnes à l'écran par rapport à celles qui existent en comics, c'est que en comics, les dessinateurs ont moins peur de soumettre leurs personnages au conflit. C'est-à-dire que de la même manière que dans un film, Bruce Willis, s'il galère, il va saigner, il va avoir son t-shirt déchiré, tout ça, les pieds nus. Ça va vraiment être, il va vivre la passion du Christ, c'est-à-dire avec des scarifications, etc. Chez les super-héroïnes, c'est souvent des, soit elles ont un niveau de pouvoir qui font qu'elles sont indemnes tout le temps. Et on n'a pas des images qu'on a pu voir dans Spider-Man, c'est-à-dire comme par exemple quand Spider-Man a son costume déchiré, des bleus ou tout ça, des contusions. Il y a ce rapport un peu problématique dans la mise en scène des affrontements. C'est pas que j'ai envie de voir ça, mais j'ai l'impression que, est-ce qu'il n'y a pas finalement une discrimination qui se fait aussi dans la manière de représenter un affrontement entre une super-héroïne et un big boss, parce qu'on se dit, ah oui, mais quand même ça va être un peu gênant si on voit une femme se prendre un coup à l'écran. C'est ça, et puis à chaque fois la pirouette, c'est de on fait s'affronter deux femmes ensemble. Comme ça, il n'y a pas de déséquilibre, et puis c'est un peu le combat entre les filles et tout ça. Donc déjà, c'est un fantasme assez masculin quand même. On a quand même Captain Marvel, c'est au final, un vrai où justement il y a cette opposition là qui vient de dire vas-y, prouve-moi que tu peux me battre sans. Et puis en fait elle dit qu'elle n'a rien à prouver. Oui, mais par contre elle n'est jamais mise en position, par exemple dans Avengers Endgame où elle affronte Thanos, on aurait très bien pu s'attendre à ce que il y a un peu plus de répondants. Or elle tient quand même majoritairement la dragée haute à Thanos, elle et Scarlet Witch, elle et la sorcière rouge, et en fait elles sont évacuées de manière assez facile. Avec une pierre d'infinité. Oui, et c'est ce rapport-là. Là où, par contre, dans des films de science-fiction tels que Alien, ou Terminator, avec Gina Davis, on allait vraiment vers des personnages qui morflaient beaucoup plus qu'on soit homme ou femme. Jessica Jones, quand même, contre-exemple, mais qui est un contre-exemple pour plein de choses, mais qui est peut-être une fausse série. Il y aura un peu plus de ça je peux en parler, mais dans Wonder Woman 1984, il y a un peu plus de cet aspect-là sur la représentation des dégâts physiques et des affrontements. Ah, voilà. Ah, c'est faire un addendum au voilà. Dans le mois d'après. Alors, Wonder Woman a toujours été pensée et voulue comme un outil de propagande féministe, mais en 1954, le psychiatre ennemi des comic books, Frédéric Wervam, a dit ce qu'il en pensait, et Wonder Woman, vraisemblablement, il aime pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Le féminisme de Wonder Woman est répugnant. Quant à la prétendue féminité avancée, Quelles sont les activités auxquelles les femmes de cette bande dessinée s'adonnent sur un pied d'égalité avec les hommes? Elles ne travaillent pas. Elles ne sont pas femmes au foyer. Elles n'élèvent pas de famille. L'amour maternel est totalement absent. Et quand Wonder Woman adopte un enfant, il y a des connotations lesbiennes. Pour les garçons, Wonder Woman est une image effrayante. Pour les filles, c'est un idéal morbide. Là où Batman est anti-féminin, la belle Wonder Woman et ses homologues sont, elles, définitivement anti-masculines. Un mauvais moment à penser. Alors, je crois, Frédéric Wervam n'est plus là pour écouter cette émission, mais je crois qu'on peut lui confirmer qu'il y a plus que des connotations lesbiennes chez Wonder Woman. Je pense qu'elle l'est, et, ou bisexuelle, ou pansexuelle, mais c'est clair, ça. C'est vrai. L'auteur Greg Rucka, me semble-t-il, en 2016, a fait faire son coming out bisexuel à Wonder Woman lors d'une sorte de conférence de presse où elle dit « Écoutez, s'il y a une jeune femme qui veut faire connaissance avec moi, je suis tout à fait ouverte à sortir avec des femmes. » Et c'est complètement logique. C'est logique. Que sur Thémis Cyrale, je ne vois pas comment ils pouvaient faire autrement. dans les Wonder Woman 1 de Grant Morrison, c'est explicitement montré avec les dessins d'Yannick Paquette que sur Thémis Cyrale, les femmes ont des aventures entre elles, clairement. Oui, c'est pas un secret. Non. Et il y a cette dimension aussi de non-maternité. Et est-ce que finalement, le vrai reproche que Frédéric Wervam a fait à Wonder Woman, c'est ça, c'est ce refus de la maternité, c'est-à-dire d'être une femme qui vit pleinement sa vie pour elle, sans passer par une transmission ou par un enfantement. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça aussi? Parce que même le statut des mères de famille dans les histoires des super-héros, c'est très très délicat. Mary Jane Watson, la petite amie de Peter Parker, une fois qu'elle est enceinte, tout ce qui faisait vraiment le sel du personnage est complètement effacé. Elle était mannequin, elle avait une carrière et tout ça, et tout d'un coup, je suis la mère de tes enfants. Point. Il y a souvent eu des phrases comme ça. De ce côté-là, c'est sous Richards. C'est sous Richards. On a démarré des là-dessus et au final, c'est quand même celle qui est à la fois le membre le plus fort de l'équipe, qui est une mère, Alors pas dans les adaptations, par contre. Pas dans les adaptations. C'est pour ça qu'on attend, parce que maintenant on sait qui c'est qui va réaliser la prochaine adaptation. Mais c'est vrai que sous Storm. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que sous Storm a été très maltraité avant? Et que elle est bien traitée désormais. Réaliser des choses, c'est-à-dire qu'au départ cette histoire d'invisible, c'était surtout pour dire que justement c'était quelqu'un qui dans la vie était effacé et que donc son pouvoir devient d'être invisible. Au départ, c'était plutôt dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça dévoilé des trucs, c'est quand même elle est passée de fille invisible à femme invisible, au fur et à mesure des comics. Et il y a eu une vraie évolution pensée, réfléchie, qui, je pense, est venue aussi des réactions des lecteurs. Et d'ailleurs, cette appellation « girl » ou « woman » en américain ou en anglais, et c'est aussi hyper révélateur de l'acceptation du vieillissement des femmes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de women par rapport au nombre de girls, c'est-à-dire que on a eu Marvel Girl, Supergirl, Bad Girl. Oui, et c'est quand même assez intéressant de voir que on a du mal à directement présenter un personnage en tant que woman. Et d'ailleurs même dans l'adaptation que Patty Jenkins a fait de Wonder Woman, elle choisit une version relativement jeune, encore en formation, de Wonder Woman, alors qu'en fait, en comics, elle a tout de suite été présentée comme quelqu'un elle a des centaines d'années, donc il n'y a aucune raison qu'elle soit immature. C'est en fait. Une ambassadrice, enfin, c'est quelqu'un qui a un statut, etc. Mais ça, je pense pourrait le relier tout simplement à la façon dont les femmes sont considérées dans la culture occidentale et enfin aux États-Unis, à Hollywood, je veux dire, passé 25 ans, une femme est vieille. C'est ça, enfin c'est la réalité. Et plein d'actrices en sont d'ailleurs plein récemment en disant moi à partir de 35 ans, on me fait jouer des grand-mères quasiment. Et c'est hallucinant. Et donc c'est malheureusement cohérent avec ce qui se passe dans les comics. Mais c'est vrai que le bouquin de Wertham, il défendait la vieille vision de la famille, etc. Et donc, il a fait énormément de mal avec son livre aux comics, qui était, eux, plutôt... quand même progressiste. Il y a eu des autodafés, des familles qui jetaient des comics comme ça au feu tellement ils étaient convaincus. 30 ans dans la gueule où les comics ont été un peu bridés en particulier à cause de ce livre, quoi. Et est-ce que cet aspect réactionnaire, je pense que vous me voyez venir, a totalement disparu aujourd'hui dans le monde du comic books ou dans les réactions des fans vis-à-vis des adaptations ciné? Quand je vois l'émoi dans lequel le plan d'Avengers Endgame a plongé une partie des spectateurs, le plan uniquement féminin où toutes les super-héroïnes étaient qui vaut ce qui vaut, mais moi j'étais dans la salle à ce moment-là et j'ai kiffé comme beaucoup. Hein. Je trouvais ça faisait plaisir de voir ça à l'écran. Et quand je vois certaines polémiques actuellement autour de certains comics ou certains films, est-ce que ça a totalement disparu, ce côté réac? C'est quelque chose que je ne comprends pas, moi, ce mouvement, le Comics Gate, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des gens qui ont lu des comics peuvent défendre ce point de vue-là, alors que les comics, pour moi, ça a toujours été justement progressiste, inclusif. Enfin, je ne comprends pas, vraiment. Mais vous êtes trop gentil. Enfin, quand on voit ce qui se passe, c'est incroyable. Dès qu'il y a une femme qui est un peu trop puissante, elle se fait au cinéma, par exemple, Furiosa de Mad Max Fury Road. Elle s'est fait détruire et à tel point qu'il y a, on appelle ça l'effet Furiosa, c'est quand un film se fait détruire par des masculinistes ou par des gens anti-féministes en raison de la puissance de son héroïne. Cette pauvre fille qui était dans Star Wars là, Kelly Marie Tran. Rose. Qui avait en plus justement pas un physique de super-héroïne, etc. Et qui s'en est pris plein la gueule, qui a dû fuir Twitter, etc. Enfin, c'est une violence. Mais Ray, par exemple, au départ, Ray n'était aussi, pas commercialisé comme jeu, comme petite figurine Star Wars. Ça marche pour Black Widow. Mais ça marche avec Perlmutter, qui n'officie plus chez Marvel, mais pendant très longtemps, a clairement dit non, il est hors de question qu'on sorte un film avec une super-héroïne parce que ça ne plaira pas aux garçons, on ne peut pas vendre de jouets, je n'en veux pas. De la même manière, on parlait de Rebecca Hall qui jouait donc dans l'adaptation sur la vie de William Moulton Marston. Elle était censée être la méchante face à Robert Downey Jr. Dans Iron Man 3. Et c'est par pression de Perlmutter que son rôle a été relégué au second plan et qu'on a fait venir Guy Pearce pour être l'ennemi de Robert Downey Jr. Alors qu'en fait, logiquement, c'était elle qui était censée être la némésis d'Iron Man à ce moment-là. Donc en fait, il y a vraiment un agenda très très fort et qui monte jusque dans des strates assez importantes de gens qui ne veulent pas mettre de femmes au premier plan. Ça s'appelle la société patriarcale. Mais c'est surtout qu'on a tendance, dès qu'on voit une femme forte, à dire « Ah bah ça, c'est une Marissou », c'est-à-dire qu'elle n'a aucun défaut, elle acquiert tous ses pouvoirs extrêmement vite, et c'est même Max Landis qui a écrit un comics sur Superman et qui disait que Rey, par exemple, dans Star Wars, c'était une Marissou parce qu'elle apprenait tout très très vite, alors que non, en fait, on applique très peu ce concept de Marissou aux hommes. Oui, et Luke, il a appris très très vite aussi. C'est ça, mais pourquoi est-ce qu'on l'appliquerait aux femmes dans ces cas-là? Tout ça est donc vrai, n'est-ce pas, Steve? Tout ce dont ma mère m'a mise en garde au sujet du monde des hommes. Elle m'a même dit que tu essaierais de me séduire. Et moi, comme une imbécile, je lui ai répondu « Pour l'instant, laissons une chance à ce pilote de montrer le meilleur de lui-même. Vous m'avez fait boire toute la soirée. Vous espériez vraiment tenir mieux l'alcool qu'une Amazon. » Oh merde! Je savais parfaitement quelles étaient vos intentions. Je vous prierai de surveiller votre langage en ma présence. Monsieur, dame? Navré de vous déranger, mais nous distribuons des contraventions de stupidité. Et amener un rancard dans un quartier réputé dangereux à une heure aussi tardive, il n'y avait pas plus stupide comme idée. Cet homme cherche-t-il à nous voler? Tenez, il y a aussi une entrée gratuite au crabe bleu dans mon portefeuille. Amusez-vous bien. Non, ne lui donnez rien. Ton portefeuille? Non. Tenez, gardez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, il y a une chose que j'attends de vous. Ce sont des excuses pour avoir pleinement contribué à ma grande désillusion sur les hommes en général. Non, mais t'entends ce qu'elle dit, cette cinglée? J'ai horreur de me répéter. Ton portefeuille! Diana, attention, il est armé. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est peut-être exactement ce que je veux. Alors? Je suis désolé.